we saw historic disaster. An earthquake reduced the Moroccan resort town of Agadir to a shambles overnight. Here in this room, the children learn to read, to write, and perfectly live well by axe, gun, and plow. L'accompagne ne montre jamais de dédain. Mister Béguin, quand son calme se règle, passe du Béguin au Bègue et les belles passent leur chemin. Partez pas l'hiver nos baratins. Les rumeurs vont bon train derrière son profil de clébard. Mister Bobard cuisine un ragoût de ragot, fait danser les mégots, dormir debout ses histoires. Autour de moi, de chaque côté, se côtoient Mister B. Mister Bouillon trouve au fond de ses esquisses un bastion de délices, des bribes de passion. Mister Bouillon dans son brouillard sommeil, une huitième merveille, une ébauche de perfection. Mister Babel délite sous nos griefs et retrace en relief nos histoires les plus belles. Mister Babelcha se croise l'émotion en une direction de l'horizon infidèle. Autour de moi, de chaque côté, se côtoient des Mister B. Mister B.